gen frais, ni mwen sa an konèt. Bas la vi ka fuyon lè nou. Et vie frère, va nous mettre à tout. Bas de men nous qui moun longtemps. Va nous laisser yon des traces. À mon œuvre, nous j'a bien porté. J'en m'ai cherché pour réponse. Bas réponse, c'est malé à question. Bici me ignore encore. Parce qu'on n'est pas v'lé dis avant. Faut pas nous oublier sourire. C'est un grand valet à la vie. On oublie les mauvais. C'est yo qui besoin apprendre à aimer. Ouais nous toutes qui ensemble. Belle bite, kay vini kon kan. Nous bon la bite, ripoise nous. Yare la la. Ripoise, ou avant fatigué. Ouais, ouais, ouais. Nous bon la bite, ripoise nous. Mauve de Molanda. Il faut nous trouver un moyen pour nous avancer. Pas oublier que y'a l'homme qui a lavé l'autre. Oui, il faut nous trouver un moyen pour nous avancer. Pas oublier que y'a l'homme qui a lavé l'autre. Wow, wow. Okay.